يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب واسأل عنا لهمنا قل علامات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vais tenter, Inch'Allah, bi'ibnillah, de développer un certain nombre de points, encore une fois, que j'estime importants. Alors, on a l'habitude d'entendre les gens parler autour de nous. On a l'habitude d'argumenter, grâce à Allah, par rapport à la science et de défendre notre religion. Malheureusement, on a aussi l'habitude d'entendre toujours les mêmes contre-arguments. Et c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent sur la table. Donc, je vais, Inch'Allah, essayer de développer ces sujets-là. J'appelle ça des arguments, des contre-arguments pièges. Et il faut absolument pouvoir dénouer les nœuds et pouvoir répondre aux problématiques que les gens peuvent se poser, à leurs erreurs, à leurs égarements, ou alors au fait qu'ils aient une mauvaise grille de lecture qui ne leur permet pas de voir la vérité. Je parle bien évidemment des gens sincères à qui vous parlez, et non pas des gens de mauvaise foi qui vont perdre beaucoup de temps, qui malgré que vous leur apportiez la science et le savoir, continuent à persister dans leur aveuglement et se détournent de la vérité en essayant de vous déstabiliser par des techniques, par de mauvaises techniques tout simplement, des techniques pas très catholiques, comme on dit, pas très musulmanes. Voilà, donc je parle vraiment des gens sincères avec qui vous parlez, vous échangez de science. Alors il y a souvent un sujet qui revient sur la table, donc je vais les lister. Donc les sujets, en fait, c'est souvent on entend parler les gens dire que l'islam est quelque chose de dépassé et que c'est une religion archaïque et que le Coran ne concerne plus ce temps, qu'aujourd'hui on est en 21e siècle, on est en 2012-2013 et que toutes ces choses-là sont passées et dépassées. On entend souvent parler de terrorisme, de polygamie, de la condition de la femme, la soumission et le malheur de la femme en islam, soi-disant. On entend la polémique sur le prophète alayhi salatu salam, comme quoi, soi-disant, c'était un pédophile. Donc ça, c'est nouveau, hein. Ça commence à arriver. Et puis, on rigole également de l'islam concernant les 72 vierges. Et voilà. Donc, je vais développer aussi, entre ces sujets, d'autres petits sujets de façon rapide. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de l'ostentation, qui nous aide à propager ce message et qui fasse que ces audios tombent entre de bonnes mains et que ces audios soient écoutés par des gens sincères qui souhaitent se rapprocher de la vérité et définitivement sortir de la manipulation, du mensonge et de l'obscurité. Alors les sujets qu'on a l'habitude d'entendre, c'est le Coran, c'est un livre dépassé. L'islam, c'est une religion archaïque. Ça ne nous concerne pas. C'était une révélation qui a été faite pour l'époque. C'est pas une révélation qui concerne les gens d'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui. Il faut prendre ça à la légère. Il faut prendre ce qu'on peut faire. L'islam est dans le cœur. Il suffit de faire un peu le ramadan, de pas manger de porc, de se dire musulman, de porter un prénom musulman, pour se sentir à l'aise. C'est pas la peine de faire la prière, c'est pas la peine de remplir toutes les règles et toutes les prescriptions qui nous ont été suggérées. C'est pas la peine de suivre le Coran et la Sunna. C'est pas la peine. Enfin, voilà. Donc il faut rappeler que le Coran a été révélé, bien évidemment, donc il y a plus de 1400 ans. Et sachez que ce livre est passé entre des millions de mains, il a été reproduit des millions de fois, voire des milliards de fois. Il est passé donc entre les mains de tyrans, il est passé entre les mains de rois, d'empereurs, de notables, d'émirs. Il est passé entre les mains des plus grands ennemis de l'islam. Et encore aujourd'hui, les gardiens de l'Arabie Saoudite, les Saouds, les gardiens de la Mecque, sont les plus grands ennemis de l'islam, les mafieux de la Mecque, la mafia saoud. Ce livre donc, a été reproduit des millions de fois et passé entre les mains de milliards de personnes. Et c'est le seul livre de l'histoire de l'humanité qui n'a pas subi une seule modification, même pas une virgule qui a été déplacée, pas un point, pas une lettre, pas un mot n'a été enlevé ou rajouté. Ceci confirme bien évidemment le miracle que Allah Azza wa Jal nous a décrit encore une fois dans le Coran, en nous disant que c'était lui qui allait le protéger jusqu'à la fin des temps. Donc bah, le miracle s'est réalisé tout simplement. On a des exemplaires des Corans des premiers siècles, ils sont identiques à celui qu'on a aujourd'hui. Pourtant, il y a eu des milliards de reproductions, des milliards de personnes qui les ont mis entre les mains, qui se sont battus, qui ont comploté, qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi. Parce que Allah Azza wa Jal est beaucoup plus grand que leur complot, et beaucoup plus fort en stratagème. Donc les gens qui vous disent que cette religion est dépassée concerne que les anciens temps, ils se trompent lourdement, parce que Allah Azza wa Jal dit le contraire. Il dit que cette religion est la dernière et qu'elle le sera jusqu'à la fin des temps et que ses lois et ses prescriptions tiendront jusqu'à la fin des temps et qu'il fera tout, et il a tout fait et on le vérifie aujourd'hui pour garder ses lois, ses prescriptions et ses représentants, les savants authentiques et les croyants sincères et pieux. La science est dedans, beaucoup de scientifiques, beaucoup de savants se sont penchés sur le Coran et il n'y a aucune hésitation à avoir sur le fait que ce livre est un livre divin et que ses paroles sont des paroles divines. Même les orientalistes, les pires ennemis de l'islam, n'ont pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Allah Azza wa Jal leur a tenu tête et leur a lancé un défi en leur demandant de reproduire une seule sourate, juste une seule sourate de ce livre, de cet extraordinaire livre. Et pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Vous voyez, ils sont en train de financer, d'investir des milliards dans l'armement pour aller attaquer les pays musulmans, dans les reportages, à travers des pseudo-spécialistes, à travers des mensonges. Ils investissent des milliards et des milliards et des milliards de dollars pour éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal, pour salir cette religion. Ils n'ont pas réussi à reproduire une seule sourate de ce livre. Ceci devrait suffire, bien évidemment, aux gens pour se convertir à l'islam. Mais on va parler des autres sujets. Concernant la femme, la situation de la femme, ceux qui disent que la femme est oppressée en islam et qu'elle n'est pas respectée, ne connaissent pas l'islam, ne connaissent pas le statut de la femme en islam. Donc je vais pas développer ce point-là. Je vais les renvoyer au livre musulman qui parle de la femme. Vous rentrez dans une bibliothèque musulmane, vous allez sur des sites musulmans et vous allez lire sur la situation, le statut de la femme en islam, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, comment Allah Azza wa Jal voit la femme, comment les musulmans traitent la femme, la mère, la fille, jusqu'à quel point il la protège et lui donne de la valeur. Et vous comparerez ça ensuite, quand vous avez fini cette étude-là, aux femmes occidentales, aujourd'hui, modernes, qui sont traînées dans la boue, qui sont obligées d'aller travailler comme des esclaves modernes à 7h du matin, qui n'ont plus le temps de se marier, qui n'ont plus le temps de faire des enfants, qui ont à peine de quoi manger et se loger avec leur travail d'esclave, qui sont traitées comme des Kleenex usagés, on les prend, on les jette, qui sont en dépression, qui n'ont plus la possibilité ni d'être mère, ni d'être épouse, ni d'être grand-mère, ni d'être rien du tout, qui ne sont pas respectés. Une fois que vous avez étudié le sujet de la femme en islam, vous comparez ça aux femmes occidentales d'aujourd'hui. Mis à part leur faire croire qu'elles ont la possibilité de voter, ce qui ne sert strictement à rien, de travailler, ce qui ne leur sert strictement à rien, et de mettre des talons hauts, des mini-jupes, ce qui ne leur sert strictement à rien, à part d'être mauvais pour elles. C'est des choses mauvaises pour elles, parce qu'elles ne seront pas respectées par les hommes, elles ne sont pas respectées par les hommes, elles ne sont pas respectées par la société. Je vais faire la deuxième partie, je vais continuer sur la deuxième partie, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الحزن في قلبه مخاف انه دون ناس خايف تعيبه قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكن يختبر عبدا بالمصيبة طيب يا طيب ايش يا المعنى خطبك تابع